Les damnés de la terre avaient à leur bonne presse, mais leur caractère pouvait faire fuir la liesse. C'est pourquoi prudent et économe, ils redevinrent de simples petits bonhommes. Pourvoyés par des personnalités multiples, égarés dans la forêt aux feuilles types, aux jours grognards, tantôt paillards, on leur ment toujours au premier regard. Jamais excentrique, rarement en panique, ils l'ont pas avalé mais font des bulles de chic. Qu'ils aient déjà visité Paris ou Centrafrique, préfèrent leurs habitudes et crachent pas sur le prix. Ils ont fait footballeur, dragueur et bricoleur, peuvent évoquer sans honte le seuil de leur douleur. Par souci de clarté, évite les analyses trop longues. Pour eux, y'a que les robots qui sont pas comme tout le monde.